sur ma zoom deux orages. Bâton dormant sur la moi froid. Mille la froid, tout prends ton bagage. Mille la froid, je prends mon ombre. Et chaque meuble son souvient. On sait tout chambre, son berceau. Des éclats de vieille tempête. Le rien n'a ressemblé à rien. Des vins perdus, les clous dans l'or. Et moi, celui de la conquête. Mon amour, mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour. De l'aube clair jusqu'à la fin du jour. Je t'aime encore, tu sais, je t'aime. Moi je sais tous les sortilèges. Tu sais ton maison veut et blanc. Tu m'as gardé de piège en piège. Je t'ai perdu de ton son ton. Bien sûr, tu prends quelques amours. Il ferait bien passer la ton. Il faut bien qu'elle court exulter. Finalement, finalement, il nous fait loup bien tout à long. Pour être vieux, son être dû. Mon amour, mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour. De l'aube éclair jusqu'à la fin du jour. Je t'aime encore, tu sais, je t'aime. Et plus le temps nous fait cotège. Et plus le temps nous fait ton mot. Mais n'est-ce pas la pire des pièges que vivre peu pour des amours. Bien sûr, tu pleures pour moi tout. Je me déchire à peu plus tard. Nos poids des genoux nous moustèrent. Laissez-moi faire l'oisin. On s'en me fait de vie de long. Mais c'est toujours la tendre guerre. Mon amour, mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour. De l'aube éclair jusqu'à la fin du jour. Je t'aime encore, tu sais. Je t'aime.